Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans le cours de l'histoire. Le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Sous le pont Mirabeau coule la Seine, et nos amours, faut-il qu'ils m'en souviennent ? La joie venait toujours après la peine, vienne la nuit, sonne l'heure, les jours s'en vont, je demeure. En février 1912, Guillaume Apollinaire compose son célèbre poème sous le pont Mirabeau. 6 ans plus tard, en 1918, le poète est emporté par la grippe espagnole, la plus grande épidémie en Europe depuis la peste noire du XIVe siècle. Peste, choléra, grippe, Ebola, coronavirus, les épidémies marquent l'histoire. Sous notre front brûlant coule le nez. Et nos bubons, faut-il qu'ils m'en souviennent ? La peur venait toujours avec la maladie, vienne la mort, sonne l'heure. L'épidémie s'en va, la peur demeure. Atchoum. Cette semaine, dans le cours de l'histoire sur France Culture, nous nous sommes intéressés à l'occasion du 75e anniversaire de la libération des camps, en tout cas du camp d'Auschwitz, mais qui marque la libération des autres camps, aux images clandestines prises dans les camps. Et puis nous avons parlé de la manière d'étudier et d'enseigner la Shoah, un défi sans cesse renouvelé, également évoqué après les camps se libérer, quand le camp reste dans les esprits, et puis ce que le monde actuel doit à l'hiver 1944-1945 avec l'historien britannique Yann Kershaw, des émissions à réécouter en ligne sur le site internet du cours de l'histoire franceculture.fr ou bien en balado-diffusion le podcast, et vous pouvez les commenter sur le groupe Facebook où vous êtes de plus en plus nombreux, merci, le groupe Facebook, le cours de l'histoire. Aujourd'hui, peste médiévale ou grippe espagnole, nous parlons de la perpétuelle peur des pandémies. Mais oui, d'où viennent ces pandémies? Comment se construisent les peurs et surtout quelles traces laissent-elles dans les mémoires? Aujourd'hui avec vous, Jean-Philippe Genet, bonjour. Bonjour. Jean-Philippe Genet, vous êtes historien médiéviste, vous êtes spécialiste de l'Angleterre. Vous avez écrit dans le numéro Les Collections du magazine L'Histoire, 5000 ans de catastrophes du déluge au collapsologue, un texte sur la peste. Peste, catastrophe naturelle ou pas catastrophe naturelle? Oui, j'étais attiré par la peste précisément parce que je suis spécialiste de l'Angleterre et que j'ai suivi depuis toujours les travaux d'un historien anglais qui s'appelle Bruce Campbell, qui a beaucoup travaillé sur les rendements manoriaux en Angleterre, puisque en Angleterre on a à peu près des comptabilités pour près de 14 000 manoirs, hein, c'est quelque chose d'énorme. Et on peut faire ce travail que l'on ne peut pas faire en France parce que ces archives ont disparu. Donc à partir de là, effectivement, il s'est intéressé au problème de la crise de la société médiévale du milieu du XIVe siècle et il a cherché à expliquer comment la société avait réagi précisément à partir de ce travail sur les rendements. Mais ça lui a paru assez vite incomplet et c'est pour ça qu'il est allé faire des recherches dans le domaine du climat. Non pas sur ce que les historiens peuvent dire du climat, mais en profitant du fait que grâce à des institutions comme la NASA ou des institutions scientifiques internationales, on dispose aujourd'hui de données considérables sur plusieurs centaines de sites archéologiques qui ont été étudiés et on peut remonter très très loin dans le temps jusqu'à l'Antiquité, en particulier par les fameuses carottes glaciaires, mais aussi par la mesure de ce qu'on appelle l'insolarisation, c'est-à-dire le rayonnement solaire, qui est plus ou moins grand selon les périodes et qui varie, et qui précisément a beaucoup varié au Moyen-Âge, entre une période où il y a un rayonnement solaire antique important qui permet donc une chaleur suffisante et qui donne un climat favorable. Et cette période se termine vers 1280. Puis on rentre dans une période d'instabilité qui va durer de 1280 à 1420 et qui est donc très difficile à cause de cette instabilité. Et puis après, on rentre dans ce qu'on a appelé le petit âge glaciaire qui va durer pratiquement jusqu'à la fin du XVIIe siècle. Jean-Philippe Genet, c'est ça qui nous intéresse dans votre démarche, c'est ce regard sur vraiment un ensemble géographique et puis le temps long quand on parle de l'épidémie. C'est ce dont vous allez nous parler aujourd'hui dans le cours de l'histoire sur France Culture parce que nous nous intéressons aux épidémies et notamment à la peste médiévale, la peste noire, la peste bubonique. Nous allons également évoquer la grippe espagnole, celle de 1918, bien sûr, après la Première Guerre mondiale. mondiale avec Freddy Vinet. Et avec vous, Valérie Hanin, nous allons parler de toutes ces catastrophes parce qu'il y a ce numéro des collections de l'histoire. Valérie Hanin, vous êtes directrice de la rédaction de la revue L'Histoire, notre partenaire. Et puis il y a le dernier numéro sur l'Empire Sioux, les Indiens qui ont été victimes aussi des maladies, hein, les pauvres, celles que nous avons apportées. Oui, énormément victimes, et c'est évidemment une grande partie de l'histoire des Indiens, mais précisément les Sioux, nous dit Pekka Hämäläinen, ont moins souffert que d'autres, et ça fait partie d'ailleurs du fait qu'ils ont dominé largement le 19e siècle, avant le grand choc évidemment avec les Américains. C'est le titre du numéro de l'Empire l'histoire. L'Empire des Sioux. L'Empire des Sioux, puissance et massacre. Et pour commencer, je vous propose un bricolage sonore et magique de Perret le Gras. Perret qui réalise le cours de l'histoire avec aujourd'hui à la technique Marie-Claire Oumabadi. Oui, Perret s'est emparé d'archives, de films, et il nous propose une évocation des pandémies. Un mal qui répand la terreur, mal que le ciel en sa fureur inventa pour punir les crimes de la terre, la peste. Sortez vos morts! Ils ne mouraient pas tous, mais tous étaient frappés. Sortez vos morts! Avancez là, tournez-vous, levez les yeux, regardez-moi. Un individu lambda se touche le visage entre 2 et 3 000 fois par jour. 2 et 3 000 fois par jour? De 3 à 5 fois par minute de veille. Et entre-temps, on va toucher les machines à café, boutons d'ascenseur, les poignées de porte et les gens qui nous entourent. Vous voulez que je fasse un prélèvement ? Je veux surtout que vous vous éloigniez. Donc on a un virus inédit au taux de mortalité d'un peu plus de 20 et à cette heure, pas le moindre vaccin ni protocole de traitement. Oui, c'est bien ça. Quand nous aurons le R0, nous serons en mesure de nous faire une idée de l'étendue de l'épidémie. Ah, c'est une épidémie maintenant ! Le Yémen, frappé de plein fouet par une épidémie de choléra. Plus de 460 000 cas ont été recensés depuis le début de l'année et la moitié sont des enfants de moins de 15 ans. 5h50 ce matin, 150 à 200 passagers en provenance de Conakry débarquent à Paris Charles de Gaulle. Dès la sortie de l'avion, des médecins ont pris leur température avec thermomètre laser. Une des chances, entre guillemets, d'Ebola, c'est que vous êtes symptomatique, vous avez des symptômes avant d'être infectieux. La seule chose que je peux vous dire, c'est qu'il est en réanimation. Et donc, c'est une situation clinique préoccupante qui nécessite des soins continus. Cette nouvelle étape dans la propagation du coronavirus pousse ce soir les autorités à prendre de nouvelles mesures de précaution. Merci beaucoup Perret le Gras pour avoir tissé ces archives qui évoquent ces maladies, ces épidémies. C'est sûr que ces épidémies sont une constante dans l'histoire de l'humanité. Régulièrement, il y a des épidémies. Ce sont d'ailleurs des marqueurs. On connaît les siècles par les épidémies. Et puis, quelle était précisément la maladie ? Jean-Philippe Genet, vous êtes professeur émérite d'histoire à l'Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Vous avez écrit « Le Moyen-Âge en Occident ». Vous êtes un spécialiste du Moyen-Âge. Et souvent, dans ces clichés véhiculés par le Moyen-Âge, il y a la peste, il y a la maladie. Quelle part faut-il donner au fantasme de cette maladie ? Elle est omniprésente. La peste, c'est un moment, c'est tout. C'est exactement deux moments, parce qu'il y a eu une première peste qu'on oublie trop, qui est la peste justinienne, qui a donc frappé à l'époque de Justinien, et qui a donc, c'est aussi le bacille de Yersin. Enfin, c'est une forme qui n'est pas la même que celle de la peste noire de 1348, parce que c'est un bacille qui est un bacille mutant. Donc il y a toujours des variations. D'ailleurs, pendant la peste noire de 1348, il y a plusieurs variétés de bacilles parce qu'il a muté pendant l'épidémie. Alors, la peste noire, effectivement, avait disparu d'Europe, non pas à l'époque de Justinien, un peu après. Il y a des rechutes pendant encore un siècle et demi. Mais pratiquement, quand on est en 1348, ça fait 4 siècles au moins que la peste a complètement disparu. Un des problèmes est le mot, parce que dans le vocabulaire médiéval, on parle de peste ou de pestilence pour à peu près tout. C'est pas une maladie spécifique. Ce sont nos médecins à nous, et puis les médecins médiévaux aussi, qui s'en sont aperçus progressivement, qui ont distingué cette peste-là. Et là, le texte qu'on a entendu tout à l'heure est un peu fautif, parce qu'il dit... tous étaient frappés. C'est pas vrai. Parce que la peste noire, elle est mortelle à 80% sous sa forme bubonique et à 100% sous sa forme pulmonaire. Donc ceux qui sont frappés meurent. Ceux qui restent sont ceux qui ne sont pas frappés. Ce qui est énorme, et Jean-Philippe Genet, faut le dire tout de suite, sur le bilan, il est terrifiant. Ah, il est terrifiant. Le premier choc de la peste, ça représente, selon les régions, entre 50 et 30% de la population qui disparaît en quelques semaines. Là, la moitié de la population, oui, c'est incroyable. Dans les grandes villes, elle est restée pendant un an, 13 mois, 14 mois, mais dans les campagnes, elle est passée beaucoup plus vite. Et Jean-Philippe Genet, nous avons évoqué cette peste noire, celle du XIVe siècle, celle qui apparaît en 1348. Et bien justement, l'année suivante, en 1349, donc, Boccace, l'écrivain florentin, commence à rédiger son Décaméron et dès les premières pages, il évoque la peste. On était déjà parvenu en l'année 1348 de la féconde incarnation du Fils de Dieu quand la cité de Florence, noble entre les plus fameuses de l'Italie, fut en proie à l'épidémie mortelle. Que la peste fut l'œuvre des influences astrales ou le résultat de nos iniquités et que Dieu, dans sa juste colère, l'eût précipité sur les hommes en punition de nos crimes, toujours est-il qu'elle s'était déclarée quelques années avant dans les pays d'Orient, où elle avait entraîné la perte d'une quantité innombrable de vies humaines. Puis, sans arrêt, gagnant de proche en proche, elle s'était, pour nos malheurs, propagée vers l'Occident. Toute mesure de prophylaxie s'avéra sans effet. Les agents spécialement préposés eurent beau nettoyer la ville des monceaux d'ordures. On eut beau interdire l'entrée de la ville à tout malade et multiplier les prescriptions d'hygiène. On eut beau recourir, et mille fois plutôt qu'une, aux suppliques et prières qui sont d'usage dans les processions et à celles d'un autre genre dont les dévots s'acquittent envers Dieu. Rien n'y fit. Dès les jours printaniers de l'année que j'ai dite, l'horrible fléau commença, de façon surprenante, à manifester ses ravages douloureux. Un extrait du Décaméron de Boccace, écrit donc au XIVe siècle et lu ce matin dans le cours de l'histoire sur France Culture par Xavier Martinet. Ce Décaméron, c'est vrai, commence de manière très noire puisque l'année précédente où Boccace commence à le rédiger, il y a eu la peste, cette peste qui a été terrible. Et quand nous écoutons ce qu'écrit Boccace, il y a déjà l'évocation de l'origine de la peste. Il parle des pays orientaux. Dites-nous, Jean-Philippe Genet, il y avait cette réflexion dès le début, mais d'où ça vient? Il y a une recherche, parce que là, on est vraiment l'année qui suit la peste. Je pense que les Italiens l'ont très vite compris. C'est quelque chose qu'on ne voit pas dans les témoignages français ou anglais. Peut-être cette idée s'est perdue. Mais pour les Italiens, pour un homme comme Boccace, milieu marchand, banquier florentin, qui a lui-même vécu à Naples, bon, bien sûr, c'est évident. On sait très bien que ce sont des navires génois qui ont ramené la peste dans leur soute depuis la colonie génoise de Caffa dans la mer Noire, qui était assiégée par le khan de la Horde Blanche, Gianni Beg. Et évidemment, on dit qu'il a balancé des cadavres avec ses balistes à l'intérieur des murs de la cité. On n'en sait rien du tout. Bon, probablement la peste était dans son armée et de là, elle est passée à l'intérieur des murailles de Caffa. On suit très bien la montée de la peste depuis le début du XIVe siècle, tout début du XIVe siècle. On a même mesuré la vitesse à laquelle elle avançait. Je ne sais pas ce que ça vaut, mais enfin, on sait qu'en 1330, elle est en Kirghizie. Et puis, peu à peu, à travers les steppes, elle va avancer. Mais elle va avancer lentement, parce que ce sont des routes commerciales, certes, qui existent. On pense à Marco Polo et tout ça. Mais enfin, quand même, il n'y a pas tout le monde là-dessus. Quand ça arrive à Caffa, que ce sont les navires génois qui débarquent, ensuite leur cargaison à Messine, puis de là, le blé est porté jusqu'à Marseille et sur toute la côte méditerranéenne. Alors là, c'est tout à fait autre chose. On rentre dans des routes commerciales sur lesquelles il y a des milliers de gens qui circulent. Et bien sûr, la peste se répand immédiatement et très rapidement. On ne peut rien contre ça. Dans l'article que vous donnez, Jean-Philippe Genet, dans le numéro de l'Histoire, enfin les collections de l'Histoire, 5000 ans de catastrophe, vous faites cette démarche de remonter tout doucement. Et donc, en recherchant les origines de la peste, vous arrivez de plus en plus loin en Asie. Et il y a vraiment, là c'est le travail de l'historien, mais une connaissance de comment cette maladie est apparue chez déjà des animaux, comment elle s'est transmise à l'homme. C'est vraiment intéressant de voir cette évolution. Oui, alors c'est quelque chose qui, pour le plan de l'histoire, est fondamental. Ça veut dire que pour faire l'histoire des épidémies, il faut une histoire globale. On peut pas faire l'histoire locale, sauf évidemment à faire l'histoire des effets de l'épidémie. Ça, c'est bien sûr, là, pour ça, il faut les sources locales. Donc, il faut être global. Et il faut surtout introduire une nouvelle dimension, ce que font des historiens anglo-saxons comme Campbell ou Rosenthal, qui est une histoire écologique. Ce qui est une nouveauté en France, on a fait des très bons travaux qui auraient pu amener à cette vision écologique, et certains historiens ont essayé de la promouvoir. Je pense aux travaux sur l'animal faits par Robert Delors, ou la très belle thèse de Corinne Beck sur la grurie des ducs de Bourgogne, hein, c'est-à-dire le service qui s'occupe des parcs, des forêts, de la louveterie, des fauconneries, etc. Il y a des sources magnifiques là-dessus qu'elle a exploitées, au travail d'Aline Durand aussi sur l'anthracologie, parce que les archéologues se sont beaucoup plus intéressés à l'écologie en général que les historiens. Donc il faut penser à la fois globalisation et écologie. Parce que si on veut comprendre pourquoi il y a eu la peste, il faut remonter à des événements climatiques et essentiellement à l'oscillation climatique dans le Pacifique. On connaît bien El Niño, La Niña, on en parle toujours aujourd'hui pour les problèmes actuels du climat. C'est la même question, puisque le rayonnement solaire fait sortir plus ou moins de vapeur d'eau de l'immense Pacifique, et c'est cette quantité de vapeur d'eau qui va déterminer le flux des moussons, et puis ça va se transmettre à l'Atlantique Nord par le contact entre les différentes masses d'eau. Et selon que l'humidité qui est transmise par les courants et les vents dans l'Atlantique Nord vont rester sur la façade ouest ou vont pénétrer au contraire plus loin vers le continent asiatique, on va avoir des évolutions très différentes. Ce qui s'est produit, semble-t-il, c'est que précisément sur le plateau tibétain et les plateaux et les montagnes qui sont au nord de l'Himalaya, il y a eu effectivement un peu plus d'humidité, ce qui fait que les marmottes, les tarbagans, enfin tous ces animaux, les gerbilles, enfin tous ces petits animaux chez lesquels le bacille de Yersin est endémique, il l'a toujours été et de façon constante, eh bien au lieu de rester dans leur habitat naturel, se sont répandus beaucoup plus loin et ont transporté avec eux la peste. Ils ont d'autre part prospéré, si bien que ce qui n'était qu'une endémie est devenu une épizootie. C'est devenu une épizootie, si bien que les puces qui étaient portés par ces animaux se sont portés sur d'autres porteurs, essentiellement le rat. Et à partir du rat, eh bien, ces puces se sont portées sur l'être humain, parce que les rats aussi ont connu une épizootie, et c'est la puce de l'homme qui a repris cela de la puce du rat et qui a ensuite véhiculé la peste sous sa forme essentiellement bubonique. La forme pulmonaire étant transmise par les postillons des gens, comme dans le cas de la grippe, mais ça diffuse beaucoup moins. On a dit que pour l'actuelle grippe, on parle d'une diffusion moyenne. Un malade va infester 2 ou 3 personnes, voilà, pas plus. Et c'est la même chose pour la peste. Tandis qu'avec les puces, bien évidemment, c'est une population beaucoup plus grande qui est atteinte. Eh bien, Jean-Philippe Genet, nous comprenons en vous écoutant combien ce regard global est nécessaire pour comprendre l'épidémie. C'est ce qui nous intéresse aujourd'hui dans le cours de l'histoire. C'est la peste, il y a la peste. Si c'est la peste, il faudrait le soigner avec une décoction d'angélique, de mithridate, d'ivoire pulvérisé et de sang de dragon. Cela existe, les dragons ? France Culture, le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Peste médiévale ou grippe espagnole, nous parlons aujourd'hui dans le cours de l'histoire de la perpétuelle peur des pandémies. Nous évoquons la peste médiévale, la peste noire, celle du XIVe siècle. Nous pouvons également évoquer la grippe espagnole, celle du début du XXe siècle. Avec vous, Freddy Vinet, bonjour. Bonjour. Bonjour Freddy Vinet, vous êtes en direct de France Bleu Armorique à Rennes. Merci beaucoup à Thibaut Dujon à la technique. Vous êtes professeur à l'université Paul Valéry de Montpellier, Freddy Vinet, et vous avez écrit la grande grippe 1918, la pire épidémie du siècle, histoire de la grippe espagnole. Vous êtes géographe. La géographie est essentielle. Hein. Jean-Philippe Genet nous le disait à l'instant. Et pour la grippe espagnole, elle est essentielle et presque de manière amusante, parce que cette grippe espagnole n'est pas espagnole. Non, pas du tout. Pourquoi ce nom? Cette grippe. Alors, ben ce nom, je vais vous l'expliquer tout de suite. C'est en fait la première vague de grippe qui a provoqué beaucoup de malades, mais assez peu de décès, a commencé au printemps 1918. Printemps 1918. Oui, en 1918. La presse espagnole, en fait, à ce moment-là, a traité la grippe de façon assez anodine. Hein, c'est-à-dire que y avait des caricatures dans les journaux, on se moquait du roi qui était malade, on se moquait des ministres qui étaient malades. Et donc, au début, il n'y a pas eu de sentiment de peur, il n'y a pas eu de peur généralisée sur la grippe espagnole. Et puis, la peur, elle est véritablement arrivée lors de la deuxième vague, en septembre-octobre 1918, où là, il y a eu beaucoup plus de décès. La peur a commencé à... L'inquiétude, disons, a commencé à saisir les journaux. Donc, les premiers journaux qui en ont parlé, ce sont les journaux espagnols, parce que l'Espagne n'était pas soumise à la censure, elle n'était pas en guerre. Donc, les journaux pouvaient s'exprimer librement. Et donc les journaux français, ensuite anglais, etc., ont repris les informations des journaux espagnols. Et c'est comme ça que le terme, à partir de la fin juin 1918, s'est généralisé sur une grippe. Le terme de grippe espagnole s'est généralisé. Voilà, le nom est arrivé, grippe espagnole, mais elle n'est pas du tout espagnole, Freddy Vinet. Malgré tout, sait-on vraiment d'où elle vient? A priori, on ne sait toujours pas comment cette grippe est venue jusqu'en Europe. On sait qu'elle était présente aux États-Unis. On connaît mieux son histoire par rapport, par exemple, à la peste noire. La peste noire, où là, vraiment, on a une ligne très claire. Alors, on a longtemps pensé effectivement qu'elle venait des États-Unis, puisque les premiers cas d'épidémie ont été identifiés dans le Kansas, dans des camps militaires du Kansas, en mars 1918. Et donc, on a longtemps pensé à cette origine. Mais en termes géographiquement et par rapport à l'histoire des grippes précédentes, ça ne fonctionne pas, en fait. Il y a quelque chose qui n'est pas très cohérent. En 1918, on est très prisonnier des archives militaires. C'est-à-dire que les seuls services médicaux qui fonctionnent, les seules archives qui suivent la maladie des populations, ce sont les archives militaires. Donc c'est sans doute pour ça qu'on a attribué une origine américaine pendant longtemps, mais récemment les virologues pensent que l'origine serait plutôt asiatique, comme la plupart des grippes. La grippe précédente d'ailleurs, la pandémie précédente 1889-1890 était on l'a appelée la grippe russe parce qu'elle venait d'Asie centrale. On est dans le schéma, dans le même schéma, disons que en fait la peste, hein, par une diffusion par la Russie, alors pas par mer, mais par le continent, par la Russie, la Pologne actuelle, et puis l'Allemagne, etc. Freddy Vinet, connaît-on le bilan? Le bilan est terrifiant. Souvent, ce qui est évoqué, c'est que le bilan de la grippe espagnole est supérieur aux morts de la Première Guerre mondiale. Alors le bilan, il est il a été établi entre 50 millions et 100 millions de décès. On serait plutôt aujourd'hui sur 48-50 millions. On a abandonné les évaluations exagérées. Donc on serait autour de 48 millions, 50 millions de morts. C'est-à-dire plus que la Première Guerre mondiale. Plus, rajoute Valérie Hanin, beaucoup plus que la Première Guerre mondiale. Oui, beaucoup plus. Le double, au moins. Dans votre ouvrage, Freddy Vinet, La Grande Grippe 1918, la pire épidémie du siècle, vous évoquez la question de savoir si cette grippe est météo-sensible. Vous êtes géographe, les conditions climatiques générales, celles qu'évoquait Jean-Philippe Genet, sont essentielles pour comprendre l'épidémie. Oui et non. Oui. Et alors, non, en dites-nous. Il y a eu pas mal d'articles sur la météosensibilité de la grippe. C'est-à-dire, est-ce que le fait d'avoir un refroidissement ou une période de précipitation augmente la contagiosité de la grippe? Et en fait, les recherches sont assez contradictoires. Par exemple, il y a eu des recherches en Nouvelle-Zélande qui ont montré que lors d'une période de pluie au mois de mai 1919, on voit une très très forte décroissance de la grippe. Alors que dans d'autres secteurs, l'augmentation de l'humidité fait augmenter la grippe. Et en fait, on s'est rendu compte que cette période de forte pluie diminue la diffusion des personnes. C'est-à-dire les personnes ne sortent pas, il pleut, les personnes restent chez eux. Donc ça diminue la contagion. On retrouve d'ailleurs les mêmes choses pour la diffusion du moustique. Par exemple, au printemps, dans le sud de la France, on a à peu près les mêmes systèmes. C'est-à-dire, tant qu'il fait frais, il n'y a pas de diffusion du moustique parce que les gens ne sortent pas. Donc, les moustiques ne peuvent pas piquer les personnes et se reproduire. Dites-nous, Freddy Vinet, quand on étudie la grande grippe, la grippe espagnole, nous voyons cette catastrophe absolue, ce nombre de morts gigantesques, et puis la grippe disparaît. Ce qui a causé la grippe disparaît, mais peut revenir, c'est toujours là. Oui, alors, après 1918, en fait, le virus AH1N1, puisque c'était un virus AH1N1, s'est en gros saisonnarisé. C'est-à-dire qu'il s'est mis en mode chronique dans la population. Donc il y a eu des grippes saisonnières qui touchaient les personnes âgées comme la grippe habituelle. Mais il n'y a pas eu de grosses épidémies entre 1918 et 1958, c'est-à-dire pendant 40 ans. Donc on pense que la grippe espagnole, elle a fait ce qu'on appelle un effet de moisson, c'est-à-dire qu'elle a tué, disons, les personnes qui étaient les plus sensibles, et puis elle a protégé une partie de la population. C'est-à-dire qu'il y a au moins un tiers, entre un tiers et 40% de la population qui a été infectée, et c'est les personnes qui ont survécu, elles ont été immunisées. D'accord, et en 58, on voit ressurgir cette grippe qui vient refaire un coucou. Voilà, et qui vient de l'Asie cette fois-ci. Là, on en est sûr. Merci Freddy Vinet. Écoutez, nous parlons de la peste, de la grippe. Alors que l'actualité, c'est le coronavirus, vraiment, ça fait beaucoup de maladies. Il n'y a qu'un seul rhume que l'on peut accepter, c'est celui qui est chanté par Henri Tachant. France Culture, le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Toi tu m'es venu, comme un rhume, toute nue, à la brune. J'aurais dû fermer ma fenêtre, mais qu'importe, tu serais rentré, tu aurais rampé sous ma porte. Toi tu m'as surpris au coin de mon lit, comme un rhume, toi ma maladie, mon épidémie, toi ma brune. J'aurais dû savoir, j'aurais dû prévoir ce microbe, mais je n'ai su voir dans ma chambre noire que ta robe. Et tu m'as glissé et tu m'as laissé ton bacille, au pouc à danser, au rythme insensé de tes cils. J'aurais dû pousser, j'aurais dû chasser cette fièvre, mais j'étais touché, mais j'étais piégé comme un lièvre. Puis tu es parti petit à petit, ma migraine, et moi j'ai guéri sous le bistouri des semaines. Le soleil de mars dissipe la garce de brume, et les jours qui passent peu à peu effacent les rhumes. Mais depuis ce temps et ce coup de vent sur ma route, beaucoup plus qu'avant, je tousse souvent et redoute de garder encore moitié bouton d'or, moitié chrysanthème, la femme qui dort au fond de mon corps comme un germe. La femme qui dort au fond de mon corps et que j'aime. C'est Henri Tachant dans Le cours de l'histoire qui tousse souvent, mais il est malade d'amour. Alors ça va comme maladie. Le cours de l'histoire sur France Culture aujourd'hui, peste médiévale ou grippe espagnole. Nous parlons de la perpétuelle peur des pandémies avec toujours cette question. Ces pandémies ont été là, elles ont fait des ravages absolument monstrueux. Et puis, elles disparaissent, peuvent-elles revenir? C'est quoi la question autour de la peste, Jean-Philippe Genet? Les gens se demandent, au XIVe siècle par exemple, comment elle se transmet. C'était quoi les idées? C'était l'odeur principalement qui expliquait la transmission de la maladie? Le concept de contagion n'est pas un concept de la médecine médiévale, mais les médecins ont très vite observé que, bien sûr, il y avait un phénomène qui frappait surtout les gens qui vivaient en collectivité, qui étaient proches les uns des autres. C'est-à-dire qu'un lieu pouvait être gravement infesté, puis à côté, il y en avait un autre où il ne se passait rien. Et d'ailleurs, les jeunes gens dont parle Boccace font ce raisonnement. Ils se disent, bon, la peste est dans la ville, nous, on va abandonner tout ça, on forme une compagnie joyeuse, hein, c'est le terme, et puis on va se mettre dans une belle villa sur les hauteurs de la Toscane, là, et puis on va se raconter tous les jours des histoires pour éviter cette horreur. Et ça donne le Décaméron. Et ça donne le Décaméron, oui. Alors, les médecins ont beaucoup réfléchi sur la peste. Il y a toute une série de traités et peu à peu, les connaissances ont quand même beaucoup progressé. Pour nous, les choses sont relativement plus faciles, puisqu'on sait très bien reconnaître le bacille de Yersin. C'est d'ailleurs une équipe, je crois, marseillaise, qui a été dans un hôpital marseillais, qui a été capable d'identifier dans la pulpe dentaire des cadavres enterrés au moment de la peste qu'il s'agissait effectivement du bacille de Yersin. Et c'est ce qu'on fait quand on cherche l'origine des différents bacilles. C'est ce qui fait d'ailleurs que les cadavres de la peste sont toujours traités avec suspicion. Les cadavres de la peste de Londres du XVIIe siècle, qui est une peste énorme, hein, qui a tué une population considérable, ils ont été jetés dans un puits à Mile End, sur lequel on a construit une université. Je ne sais pas très bien si c'est une bonne idée, mais enfin, en tout cas, on s'est abstenu d'aller fouiller ce puits qui pourtant pourrait donner des révélations démographiques très intéressantes sur l'âge, la santé des gens qui avaient été frappés par la peste. Alors, ce bacille, effectivement, perd de sa létalité au fur et à mesure. C'est-à-dire que la peste est revenue en Europe sur un rythme qui est intéressant, c'est à peu près 10-11 ans. C'est-à-dire que quand il se constitue un réservoir suffisant de personnes qui n'ont pas d'anticorps, les jeunes, et quand ce nombre est suffisant, à ce moment-là, l'épidémie redémarre. Et va frapper alors des gens de tout âge, bien sûr. C'est ce rythme. Alors, ce rythme, on a essayé de le mettre en relation aussi avec les éruptions solaires, qui ont aussi un rythme de 11 ans, qui agit, bien sûr, par l'insolarisation sur les populations de rongeurs des plateaux tibétains. Vous voyez, ce sont des phénomènes assez complexes. Sur la maladie elle-même, ses retours, ce qu'elle a tué, il faut voir un livre qui reste un livre fondamental, qui est le livre d'un médecin qui s'appelle Jean-Noël Biraben, qui a écrit un livre en deux gros volumes sur la peste et ses effets. Et on suit les effets de la peste, en Europe au moins, disons jusqu'au tout début du 19e siècle, la dernière grande peste étant la peste de Marseille, qui a été traitée de façon radicale, puisqu'on a mis la troupe autour de la ville de Marseille et on tirait sur tout ce qui sortait, et donc on a attendu que les gens meurent, et puis après on a rouvert, et voilà, et la peste n'était plus là. Méthode radicale, et puis c'est vrai que Jean-Philippe Genet, il y a l'explication de la propagation de la peste, et puis après l'épidémie, il y a la peur, et la peur, l'historien qui l'a étudié, la peur en Occident, dans ces Jean Delumeau. Jean Delumeau qui nous a quittés il y a quelques jours, c'était le 13 janvier 2020. Jean Delumeau que nous écoutons dans l'émission Empreinte, c'était en mai 1991 sur Antenne 2. Pour la peste de Milan en 1630, pour la peste de Naples en 1656, pour la peste de Marseille en 1720, la moitié d'une population d'une ville disparaissait. Il n'y avait pas d'année sans qu'il y ait ici ou là une épidémie de peste. À partir de 1348, la date de la peste noire, la peste est revenue très fréquemment en Europe jusqu'en 1720, qui est la dernière peste, la peste de Marseille, en Europe occidentale. Et on a calculé que dans la période 1348-1530 environ, dans un pays comme la France, la peste revenait en moyenne tous les 10 ans. Voilà, on trouve hein, ce cycle qu'évoque Jean Delumeau qui nous a quittés le 13 janvier 2020. Valérie Hanin, directrice de la rédaction de la revue L'Histoire. C'est vrai que Jean Delumeau, personnage essentiel, médiéviste essentiel, et notamment dans cette approche très particulière, approcher le passé par un sentiment qui est celui de la peur. C'était un habitué de la revue. Absolument, c'est un auteur que nous avons publié plusieurs fois et qui est évidemment, nous lui rendons un hommage d'ailleurs. Laurent Taille, ça fait un joli article d'hommage pour expliquer à quel point, enfin comment Jean Delumeau était passé de l'histoire économique. C'était un élève de Brodel qui avait travaillé sur l'Allain et les routes commerciales, à évidemment ses grands travaux d'anthropologie historique du christianisme qui ont commencé avec cette histoire de la peur magistrale en 1978. Mais il a écrit sept ouvrages pour au fond, écrire, dit Laurent Taille, comment, enfin, raconter comment les chrétiens sont sortis de la peur, puisque le dernier ouvrage était sur le paradis. Voilà, c'est le paradis, et d'ailleurs, c'est symbolique hein, d'étudier oui. La peur, d'étudier la mort et le paradis. Jean-Philippe Genet, c'est vrai que Jean Delumeau, moment majeur dans l'histoire de l'historiographie, c'est un personnage important dans ce qu'il a apporté, en tout cas pour les médiévistes. Même oui, pour c'est les un personnage historiens. Important, mais il faut aussi dire c'est un personnage, je l'ai bien connu, puis je l'ai côtoyé à Paris 1, à la Sorbonne en tout cas, et c'était un homme extrêmement modeste et amical, et chaleureux. Je pense qu'il faut dire ça, parce que il y a des historiens qui sont des gens, des puits de science, mais qui sont pas forcément sympathiques et très chaleureux. Hein, c'est pas forcé. Mais Jean Delumeau, c'était vraiment, sur le plan humain, quelqu'un d'exceptionnel. Et peu de gens, je pense, en ont gardé un mauvais souvenir. Et puis, alors, dans son étude, c'est vrai que sur la peur, c'est un moment dans l'historiographie. Par rapport aux épidémies, à la peste, Jean-Philippe Genet, la peur n'est pas uniquement liée à la peste. C'est-à-dire que la peur peut être plus globale dans cette longue période qu'est le Moyen-Âge, et puis que l'on pourrait étendre hein, bien après au temps moderne, et peut-être jusqu'à aujourd'hui, c'est la peur de la maladie. Oui, enfin, c'est même plus largement la peur de la mort. C'est de cela dont parle Jean Delumeau, parce que ce qu'il montre, c'est que avec la réforme grégorienne et ce que moi j'appelle le second christianisme, c'est pas un terme de Delumeau, hein, mais c'est un terme à moi. Je le dis comme les protestants l'ont dit au XVIe siècle. Hein, c'est insufflé ce contrôle du peuple chrétien par le fait que chaque chrétien est devenu redevable de la dette qu'il avait envers le Christ, et donc il avait le devoir absolu de gagner son salut par ses propres œuvres et par son action. Et donc, pour tout chrétien, il y a au bout de la route, évidemment, l'enfer ou le paradis. Mais, bien sûr, c'est sur la peur de l'enfer que l'Église a majoritairement joué. Et donc, tous les chrétiens ont peur de l'enfer. Ils ont peur, de ce fait, beaucoup de la mort sans absolution, sans confession à partir d'un certain moment, mais au début, c'est simplement sans absolution. Mourir sans absolution, ben, c'est l'enfer... À l'enfer assuré. Presque assuré, ou en tout cas un très, très, très, très long purgatoire. Donc, c'est pas évidemment une vision très agréable. Et donc, l'épidémie joue là-dessus. Mais ce qui est premier, c'est d'abord la peur de la mort et la peur de l'enfer, qui est réactivée, intensifiée par l'épidémie. Et là, les peintures du Quattrocento italien sont tout à fait exemplaires là-dessus, de même que toute la dévotion passionnée du XIVe et XVe siècle, ce que Jacques Chiffolo appelle la religion flamboyante. Hein. Et donc, ça, oui, c'est quelque chose d'important. Cette peur qui est liée aux épidémies est une évidence par l'ampleur de la chose, mais la peur de la mort est une constante. Mais c'est vrai que le moment de l'épidémie est très particulier, et l'épidémie s'étend, parfois on la suit, parfois elle traverse l'océan et elle arrive en Amérique. Nous allons écouter un Indien, c'est Bill Redd, qui en 1989 parlait dans l'émission de Frédéric Mitterrand, enfin du côté de chez Fred, c'était sur Antenne 2. Oui, nous allons à la rencontre des Indiens d'Amérique. They suffered tragic losses during the 19th century. They had a population perhaps of 10,000 at the beginning of the century, and largely. Le déclin de la population était dramatique au début du siècle. And largely due to the Un déclin de la population qui était dû à l'épidémie de variole. La population de 10 000 habitants s'est réduite à 500 habitants. Il y en a un certain nombre qui ont survécu. Or, quand ils descendent en dessous de 1000, c'est pas facile à ce qu'ils survivent, sauf s'ils ont acquis par un moyen ou un autre des anticorps. Nous voici avec les Indiens d'Amérique et avec vous, Valérie Hanin, parce que c'est vrai que vous nous expliquiez que les Sioux s'en sont sortis un peu mieux que d'autres tribus indiennes face aux maladies. Vraiment, ils s'en sont pas tellement sortis face à la violence dont ils ont été les victimes lors de la colonisation. L'Empire Sioux, puissance et massacre, c'est le dernier numéro, le numéro en kiosque hein, de l'histoire, le magazine, notre partenaire. Pourquoi les Indiens, pourquoi les Sioux aujourd'hui? Ils fascinent toujours, hein. Ah, ils fascinent toujours et c'est pour ça que nous avons décidé de leur consacrer le dossier de ce mois-ci parce qu'ils sont vraiment dans notre imaginaire à cause des photos de Curtis et cavaliers majestueux des plaines et le western évidemment et Little Big Horn et Sitting Bull et Crazy Horse. Mais c'était un peu du folklore. Ou alors, c'était un objet pour les ethnologues. Et ce qui se passe, c'est que notamment, grâce à des auteurs américains, ou P.K. Malainen, qui est lui-même finlandais, mais qui travaille en ce moment à Oxford, après avoir été aux États-Unis, les Indiens, et notamment les Indiens d'Amérique du Nord, et notamment les Sioux, sont devenus un objet d'histoire. Et ce que dit P.K. Malainen, puissance et massacre, c'est pas seulement le massacre des Sioux, c'est d'abord les massacres faits par les Sioux, ou du moins l'idée de leur puissance. Car ce qu'il nous explique, c'est comment, au fond, ces Sioux sont une véritable partie de l'histoire des États-Unis, un peu l'envers de l'histoire des États-Unis. Et qu'eux-mêmes, hein, ces chasseurs-cueilleurs, ces sept tribus de Lakota qui étaient installées au sud des Grands Lacs, ont fait, avant les États-Uniens, ont fait une migration vers l'Ouest. Hein, se sont emparés ont dominé le bassin du Missouri jusqu'aux Rocheuses. Ils avaient appris des Français le cheval et les armes à feu, et ça a assuré leur domination sur les autres tribus indiennes. Et c'est ensuite, évidemment, après, avec les guerres, il y a eu 50 ans de guerre avec contre les Américains parce qu'ils étaient un obstacle, au fond, à l'avancée des Américains vers l'Ouest, avec la construction des forts américains, là ça s'est gâté. Et évidemment, l'immense surprise, c'est la défaite du lieutenant-colonel Custer face à Sitting Bull, et oui, à Little Big Horn, 1876. C'était le 100e anniversaire de l'indépendance américaine. Et là, il fallait que ce soit vengé. Et évidemment, l'histoire va se retourner. Ils vont être les victimes. Et ce que nous raconte Papandiaï qui a écrit l'article. Papandiaï, ouais. Oui, évidemment, c'est que c'est un peu une fausse grande victoire, parce que nous dit Papandiaï, les 700 hommes du 7e régiment de cavalerie de Custer étaient au fond assez épuisés par la guerre de sécession. Bon, mais enfin, c'est une défaite inacceptable pour les États-Unis. Et ce que nous dit Carl Jacobi, c'est que la dernière bataille, ce qui est présenté en général dans l'histoire américaine comme une défaite, enfin une grande victoire, victoire des Américains à Wounded Knee, là c'est 1890, c'est un véritable massacre, c'est le massacre de 300 Sioux désarmés et dans la neige et évidemment dans ce qui va devenir les réserves. C'est vraiment une partie de l'histoire américaine et qui est aujourd'hui une véritable histoire, faite par des historiens. Voilà, sur la couverture hein, de ce numéro de l'histoire, il y a ce portrait en gros plan de Sitting Bull et nous sommes toujours impressionnés par la qualité des photographies de ces années-là. Oui. Il y a un côté très triste parce que vous rappelez que Sitting Bull a fini comme bête de foire, hein, faut le dire, les foires, le grand show de Buffalo Bill. Oui, là c'était vraiment une triste fin. Cependant, je voudrais pas finir sur une note triste parce que les Sioux aujourd'hui, enfin qui sont à peu près 170 000, au plus fort de leur puissance, hein, au 19e siècle, ils sont moins de 50 000, hein, 30 à 40 000. Mais aujourd'hui, 170 000, mais ils sont au premier rang dans la revendication de ce qu'on appelle le Red Power. Et aujourd'hui, dans certaines réserves, ils sont très habilement pris, enfin très habilement, fondamentalement peut-être, mais pris

l'extradition trouve une nouvelle justification dans l'établissement d'une version restrictive des valeurs des régimes libéraux. Une distinction est introduite entre crimes politiques et crimes antisociaux qui portent atteinte à la vie et la liberté humaine ainsi qu'à la propriété privée. Collectivistes et anarchistes ne peuvent plus bénéficier de l'asile puisqu'ils contestent l'ordre libéral désormais défini. Une issue consensuelle qui criminalise les répertoires d'action anarchistes, mais un consensus provisoire sur les crimes politiques et des débats qui ne cessent de rebondir au cours du XXe et du XXIe siècle, avec bientôt la peine de mort inégalement abolie par les États en ligne de mire. Merci beaucoup Anaïs. Alors, il n'est pas question d'extradition pour un podcast, on parle de téléchargement, donc pour podcaster le journal de l'histoire ou simplement le réécouter, c'est sur notre site franceculture.fr. Nous avons parlé toute la semaine de la libération des camps. C'est à réécouter sur le site internet Le Cours de l'Histoire franceculture.fr ou bien en podcast et puis en discuter sur le groupe Facebook Le Cours de l'Histoire, tout comme la réflexion d'aujourd'hui sur d'où viennent les épidémies, comment se construisent les peurs, comment ces peurs restent dans les mémoires. La semaine prochaine, nous allons parler des âges de l'enfance, des marmots médiévaux à l'enfance renaissance et de l'enfant meurtri à la protection de l'enfance. Oui, nous nous pencherons sur l'évolution du regard que les adultes portent sur leurs rejetons, leurs gosses, leurs mioches. D'ailleurs, en écho à la semaine que le cours de l'histoire consacre aux âges de l'enfance, vous pouvez écouter dimanche à 17h Être et Savoir, le magazine de l'éducation de Louise Touret, parce que Louise s'intéresse à la BD. La BD au programme, à l'école et pour la transition des savoirs. Et puis toute la semaine prochaine, Tiffaine de Roquigny consacre son émission Entendez-vous l'écho, c'est tous les jours à 14h, sur également l'enfance. Vraiment, les enfants sont au programme sur France Culture.